a le cœur acheteur. Dédé, on n'a pas peur. Oui, Noël, c'est bonheur. C'est le moment le plus bon pour attraper des poissons, pour passer des sapins à tes concitoyens. C'est le temps le meilleur, tout le monde regarde ailleurs. N'aie pas peur de faire le croche et mets-toi en plein les poches. Jésus, et que t'es drôle toi.